Section 19 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Tableau de la nature de François René de Chateaubriand. 8. La mer. Des vastes mers, tableau philosophique, tu plais au cœur de chagrin agité. Quand, de ton sein, par les vents tourmentés, quand des écueils et des grèves antiques sortent des bruits, des voix mélancoliques, l'âme attendrie en ses rêves se perd, et, s'égarant de pensée en pensée, comme les flots de murmure en murmure, elle se mêle à toute la nature. Avec les vents, dans le fond des déserts, elle gémit le long des bois sauvages, sur l'océan vole avec les orages, gronde en la foudre et tonne dans les mers. Mais quand le jour sur les vagues tremblantes s'en va mourir, quand, souriant encore, le vieux soleil glace de pourpre et d'or, le vert changeant des mers étincelantes, dans des lointains fuyants et veloutés, en enfonçant ma pensée et ma vue, j'aime à créer des mondes enchantés, baignés des eaux d'une mer inconnue. L'ardent désir des obstacles vainqueurs trouve, embellis des rives bocagères, des lieux de paix, des îles de bonheur, où, transporté par les douces chimères, je m'abandonne aux songes de mon cœur. Fin de la section 19.